Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa al-aqibatu lil-muttaqeen, wa la-udwana illa ala al-zalimeen, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'd. Fafi al-dars al-sabiq, dans le premier cours, on avait commencé ensemble al-a'iq, al-awwal, le premier obstacle, et sur le chemin de l'étudiant, du talib ilm. Et c'est le plus grave, le plus dangereux. Talabul ilm li ghayri wajhillahi ta'ala. Aïe, le manque de sincérité. Étudier, faire des efforts, lakin, pas pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La min ajli dunya. Pour de l'argent, pour une place, pour se montrer, pour être complimenté. Toutes ces intentions, elles contredisent. Al-ikhlas falihada. On doit faire très attention. Et on répète, on n'est pas à l'abri. On cite souvent à nos frères, quand on lit ce genre de nasa'ih, on ne doit pas penser qu'on est à l'abri. Oh, c'est pour les autres. Là, on est tous concernés. Et parmi la sincérité, c'est de se sentir concerné. Mais celui qui ne se sent pas concerné, il a un problème avec l'ikhlas. Il pense qu'il ne peut pas être touché par telle chose. Et ça fait du mal à la sincérité. À toutes ces nasa'ih qu'on lit min kalam ahl al-ilm wa qabla dhalik min kalam Allah azza wa jall ou min kalam rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, on est concerné et on doit se sentir visé pour se corriger. Qala rahimahullah, qala al-hasan ay al-basri rahimahullah, man talab al-ilm ibtigha' al-akhirah adrakaha. ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه وقال الزهري فذاك حظه منها من طلب العلم ابتغاء الآخرة سنية الصالحة pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il espère la récompense هذا الطالب يوم القيامة. أما celui qui étudie pour الدنيا فكما قال هذا الإمام فهو حظه منه أو فذاك حظه منها. Il gagnera ce qu'il a fait pour Dunya. Si c'est de l'argent, Farobama, il gagnera cet argent. Si c'est pour être complimenté, Farobama, il sera complimenté. Comme a vu le hadith, qu'on a cité dans la kalima de dimanche, waqad qila. Et cet homme qui a appris le Coran, qui a fait des efforts pour l'ilm, lakin, c'était pour qu'on dise, annahu, masha'Allah, il récite bien, masha'Allah, il a du ilm. Et dans le hadith, waqad qila, et les gens, ils ont dit hala. Il sera jeté fil nar. Qala. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها عرف هنا بمعنى الريح أي السلبي عياذا بالله كي étudie pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. L'étude de la science, talabul ilm, c'est une ibada. Et taqaddam ma'ana anna al-ibada labud fiha min ikhlas, la sincérité. Qala ibn Atta rahimahullah, fi man ta'allama li ghayrillah, ja'ala Allahu al-ilm alladhi 'allamahu man hadha wasfuhu hujjatan 'alayhi. والسبب في تحصيل العقوبة لديه نعم جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه من preuve contre l'insan لأن الجاهل خاصة celui qui n'a pas les moyens d'apprendre qui a une bonne intention, il fait des efforts لكن il se trompe des مخالفات ou il fait des choses qu'il ne devrait pas faire لكن c'est son ignorance. S'il saurait, il aurait les moyens d'apprendre, il ne ferait pas cette chose. Et هذا on le voit أحيانا في بعض الناس. Alors, ils font certaines choses et dès qu'ils apprennent, ils arrêtent. Les mazal, ils ne savaient pas et ça montre leur sincérité. Il peut être excusé dans beaucoup de choses. Oh, certains, il n'a pas les moyens d'apprendre. Mais ce talib qui connaît, lakin c'est pour autre qu'Allah. Ça va impliquer qu'il n'applique pas. Ça sera quoi sa hujja indallah? Aucune hujja, il sait. Et khalif bi'amd. Et c'est ça qui est grave. وقال سببا في تحصيل العقوبة لديه. نعم، il pourra être châtié يوم القيامة. Et on a cité le hadith. أن parmi les premiers qui rentreront في النار رجل تعلم القرآن وتعلم العلم لكن pour qu'on dise أنه connaît أنه il a atteint tel niveau إلى آخره عيادا بالله. قال ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر وفي الخبر إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الحديث اللي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. أساس فائدة لا تغتر أي أن فلان أي si sa niya est mauvaise même s'il donne des dorous même s'il écrit des livres même si les gens يستفيدون منه يستفيد de lui لكن il est pas sincère لا يشكل عليك أنه ينصر دين الله أنه يفيد du bien aux autres et أنه يمونتر et أنه يدفن دين الله لأن من بعض الناس إذا هم mauvaise نية ربما الله سبحانه وتعالى يفيد كيفه ينصر بهؤلاء دينا إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر الفاجر qui n'applique pas son علم qui contredit العلم الله سبحانه وتعالى يؤيد دينه بهذا الرجل donc ça montre pas obligatoirement أنه il a une bonne نية لكن يوم القيامة les regrets pour ce genre de personne. قال ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفع فيها فمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت فما أشرف الوسيلة أو كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت فما أشرف الوسيلة وما أخص المتوسل إليه. تمثل تأمل هذا المثال et compare celui qui a une mauvaise niya, fayatlub al-ilm, pas pour avancer dans son din, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, là, pour le dunya, pour de l'argent ou autre. قال كمن رفع العذرة. العذرة, c'est الغائط, les excréments. قال بملعقة من الياقوت. C'est comme celui, عياد بالله, qui ramasse, qui prend un excrément, نعم, avec une cuillère من ياقوت. Al-Yaqut, c'est les pierres précieuses, les rubis. Fal-Adhira, c'est dunya. Et cette cuillère avec des pierres précieuses, des rubis, c'est talabul ilm. Il se sert de l'ilm pour cette chose qui n'a aucune valeur indallah azza wa jal. Ben, elle est comparée à Al-Adhira. Et dans un hadith, كذلك, عن النبي صلى الله عليه وسلم, أن الدنيا est comparée à هذا. فتأمل بعض الناس عدم التوفيق أن هذا العلم. Et en fait, هذا العلم c'est plus précieux que الياقوت والذهب والفضة. لكن بعض الناس ils utilisent هذا العلم. En fait, c'est une des choses les plus précieuses pour l'abd. Et ils l'utilisent pour un profit de dunya. فما أجمل هذا المثال de cet imam رحمة الله عليه. قال فما أشرف الوسيلة. الوسيلة هنا c'est le moyen, أي طلب العلم. قال وما أخص المتوسل إليه أي quelque chose de khassis c'est quelque chose qui n'a pas de valeur de mauvais أي il se sert d'une chose qui a beaucoup de valeur العلم pour profiter d'une chose qui n'a pas de valeur عند الله الدنيا. On doit faire attention. العلم ça peut te sauver يوم القيامة لا شك ça sauvera العباد celui qui applique يوم القيامة ما هذه الدنيا زائلة. هذه الدنيا متع قليل كما وصفه الله عز وجل. وقال سحنون رحمه الله من أئمة المالكية رحمه الله عن grand imam كان ابن القاسم قلما يعرض لنا إلا وهو يقول اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر يعني العلم مع تقوى الله كثير وكثيره مع غير التقوى قليل. Ça nous montre que les ulama conseillaient leurs élèves. Ibn al-Qasim, c'est un imam. Fassahnoun, rahmatullah alayhi, c'est un de ses élèves. Et il rapporte que souvent il leur disait Ittaqullah, craignez Allah. Fa'inna qalil, هذا الأمر, يعني العلم مع التقوى الله كثير. Ay, un peu de ilm avec التقوى. Ay, l'application. Tu sais que cette chose c'est haram, tu t'écartes. Tu sais que cette chose c'est obligatoire, tu la fais autant que tu peux. Tu as appris ce zikr, tu essayes de le dire. Et tu mets en application tes connaissances. Ou alors si c'est un peu, c'est kathir. وكثيره أي beaucoup de علم مع غير التقوى لكن sans appliquer. C'est pour ça que نحن on doit faire attention. Ya ikhwa, c'est bien de faire des livres, c'est bien d'apprendre telle chose par cœur, c'est bien d'apprendre le Coran, d'apprendre le Sunnah, c'est muhim, lakin on doit tout faire pour que l'a'mal ça suit. Amma apprendre, et tu le vois hada inda ba'd an-nas, on a sallallahu subhanahu wa ta'ala al-'afwa wal-'afiya, annahu rubbama il a des connaissances lakin tu vois comment il vit, son comportement mu'amala, comment il se comporte avec les gens ila akhirah, tu vois pas thamara hada al-'ilm. فالعلم سبب بكثرة الكتب أو كثرة المجالس أي je me suis assis avec Cheikh Foulain dans telle ville, avec Cheikh Foulain dans tel pays, j'ai une maktaba avec tant de livres, j'ai tant d'élèves, c'est pas ça l'ilm. L'ilm c'est l'amal, c'est taqwa, et vous allez entendre des autres athar في هذا الباب. هذا الكلام il est جميل. Et اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر أي peu de ilm مع التقوى الله كثير أي c'est beaucoup عند الله سبحانه وتعالى ça pourrait être utile. الله سبحانه وتعالى il te récompensera. أما كثير et c'est pas appliqué ou c'est pas appris sincèrement فعند الله c'est pas accepté. ففي الحقيقة c'est قليل, ça vaut rien. كذلك on fait attention à الشيطان هنا أن واحد il se dit فأنا je veux pas étudier beaucoup, Anna, je fais le minimum et j'applique hatta l'ilm, c'est pas une hujja. Ça, c'est une autre porte que Iblis, il ouvre. Et ba'adhu du'afa al-iman, rubbama, il tombe dans cette chouba. Là, ittaqullah. C'est du shara, hada. Tant que tu peux apprendre, apprends. Fala tuhrim nafsak. Apprends et applique. Amma, on délaisse l'ilm, liana, on a peur de pas appliquer. Ah, ça, c'est une autre chouba, yadam billah. On fait des efforts et on fait du'a. Et si on s'est trompé, on a mal agi, alhamdulillah, bab at-tawba il est maftouh. L'insan il se corrige et il avance. Wa qala Yusuf ibn al-Hussein, sami'tu dhannun al-Misri yaqul, kana al-ulama yatawa'adhuna bi thalath, wa yaktub ba'dhuhum ila ba'd, man ahsana sariratahu ahsana Allahu alaniyatahu. Al-ulama il conseillait trois choses. Man ahsana sariratahu, aïe son intérieur, aïe son cœur. Ahsan Allahu alaniyatahu. Allah subhanahu wa ta'ala, il le guidera. Aïe l'alaniya, c'est les choses apparentes, aïe ses œuvres. S'il a une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guidera. Falihada al-mukhlis, il n'est pas perdant. Même s'il n'a pas beaucoup d'ilm, même s'il se trompe, même s'il glisse dans un point, dans une mas'ala, فالمخلص il est pas perdant. Son ikhlas بإذن الله عز وجل il l'aidera. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. Ça nous montre l'importance de se corriger et de faire des efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait de toi, فيجعل لك القبول في الأرض. حتى ta liaison, ta relation avec les gens, elle s'améliorera. لماذا؟ لأن الله il est satisfait de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide les cœurs. On doit faire les premiers efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنيا. Et celui qui fait des efforts pour l'akhira, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ouvrira les portes de dunya. Et on a déjà cité plusieurs adillah fi hada. Fais des efforts, fais l'ilm, akhi al-karim. Fais des efforts pour corriger ton intention. Fais des efforts pour appliquer et alhamdulillah tout le reste viendra. C'est ça la base. Vous avez remarqué que بعض الناس عدم التوفيق ou ignorance, ils ont délaissé ces points essentiels et ils essaient à tout prix de gagner des choses fi dunya, de l'argent, etc. Et ils ont oublié l'asl al-akhira. فلهذا à la fin, quand tu réfléchis, ils mourront. Enfin, la dunya, et s'ils n'ont pas appliqué leur dîn, كذلك al-akhira, et ils n'ont pas fait les choses pour avoir une bonne situation يوم القيامة. Enfin, ils peuvent perdre les deux, yadam billah. Amma al-muwaffaq, il fait des efforts, fait l'akhira, et dunya, elle viendra. Tu mangeras comme tout le monde, tu t'habilleras comme tout le monde. Walillahi alhamd. Wa hakada ma yata'allaq bi les autres points. Bah, les gens, ils font tout pour satisfaire les gens. Et du jour au lendemain, rabbama, injustement, wahed yat'an fih, ou il le repousse, ou il le rejette. Toi, ça lui fait du mal. Là, fais des efforts. Apprends ton din. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu verras que al-ibad, bi'idnillahi azza wa jal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de les guider. Amma anta la, tu peux rien faire. Enfin, ça nous montre, mit la had al-kalam, min a'immatina, l'importance de revenir à l'essentiel. قال ابن المبارك رحمه الله أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر كلام أئمة السلف لمفيد une phrase رحمة الله عليه et il a rassemblé المنهجية في طلب العلم si tu veux réussir في العلم ابن المبارك عبد الله رحمة الله عليه un grand imam de la sunnah فيقول أو قال أول العلم la première chose في العلم النية إنما الأعمال والنية première étape ta niya pourquoi tu étudies c'est quoi ton objectif c'est quoi ton but فالعلم الشرعي notre objectif notre but ça doit être رضا الله سبحانه وتعالى la satisfaction d'Allah عز وجل لا غيب ثم الاستماع العلم c'est avec des efforts الاستماع أي l'écoute Ça nous montre anna talibul ilm. Il avance étape par étape. Amma brûler les étapes, ça fait du mal. Ba'd an-nas, ils n'ont jamais fait d'effort. Ils se sont jamais assis inda ahl al-ilm. Ils n'ont jamais profité des assises de science. Probablement, ils n'ont pas les outils pour comprendre. Et au lieu de commencer par cette étape, al-istima', et la première étape, c'est de profiter avant de faire profiter les autres. Fa ba'd an-nas, mubashara, ça devient des du'at. Et en fait, c'est des du'at ila anfusihim. Ils appellent à eux. Ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas la capacité. Et ils brûlent les étapes. Après les efforts à l'estimer. Nous, à notre situation, on ne doit pas parler beaucoup. Khassatan avec les réseaux sociaux. Ils font plus d'awa qu'ils apprennent. Et les fitnes, ça vient de ha'oula. Anahum, ils propagent des copier-coller, Fulan il a dit, des livres, des audios, des passages, ils coupent, ils collent. Et beaucoup de masels qui propagent, au lieu d'unir, ça divise. Au lieu qu'on profite, on a des doutes. C'est pas ça l'ilm. La première étape, elle est l'istima'. Da'iman, le conseil, avant de propager, avant de parler, avant d'écrire, fais des efforts, fais l'ilm. Tu sauras c'est quoi qu'il faut propager, c'est quoi qu'il faut pas propager. Tu sauras c'est quand qu'il faut parler. Tu sauras c'est quand qu'il faut parler, c'est quand qu'il faut se taire. Tu sauras différencier entre al-sahih ou al-da'if, al-mufid ou ghayr al-mufid. Comment vient une époque, vous avez remarqué? Tout le monde ouvre des comptes, tout le monde ouvre des chaînes, tout le monde veut faire da'wah. Avant de faire da'wah, il y a des étapes. Awulan al-ilm. Ay al-niyya plutôt. Thaniyan al-istima'. Falihada ba'du a'immat al-salaf. Bel, nous savons l'an. Nous savons contemporains. Réfléchis avant qu'ils parlent un. Ils ont atteint un certain âge. Ils étaient où quand ils étaient jeunes? Ils n'écrivaient pas de livres, t'entendais pas leurs audios. Ils étaient occupés de talab. Thumma arrivé à un moment, arrivé à un moment, ils avaient l'ilm, c'est wajib pour eux de parler. C'est venu tout seul, wallahi alhamd, bi'idnillah, bi'tawfiq. Annahum, ils parlent, ils écrivent. Amma al-ba'd al-an, wallahi ba'duhum la yuhsin al-kalam. On ne parle même pas de ilm. Le kalam, parler, certains ne savent pas parler, l'arabie, ou même leur langue. Thumma, hada, il va faire profiter les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire da'wa du tout. Là, si tu as appris telle chose et tu le montres à un autre, tayyib, là, qu'il se consacre à da'wa. Alors que l'insan, il est à la jahl, hada, il fera du mal. L'anna da'wa, ça prend du temps. Écrire, il faut préparer, il faut propager, il faut corriger, ça prend beaucoup de temps. Fa'ayna talab. Ah, ou là, on se pose la question, mais est-ce qu'ils apprennent? Là, tu les trouves muqallida, kathir minhum. C'est des copier-coller et ils suivent la bague. Un jour, ils propagent une chose, le lendemain, Obama, il se contredit. Les malades, il y en a un autre, il a dit le contraire. C'est pas ça, da'wa. Là, c'est cause de fitan et ça divise tout le monde. Fattakullah. Taqullah. Normalement, nous, on doit étudier. Alhamdulillah, mashayikh, talabat al-ilm, ils font da'wa et tout le monde profite. Mais la masse, celui qui est motivé, qui a de l'énergie, Ne perds pas ton temps, ne te fatigue pas avec qil, waqal, avec da'wa à ton niveau. Mets tes efforts fil hifd ou fil ilm et ta niya. Fata'ammalou les étapes. Awwal al-ilm, an-niya. Thumma al-istima', ay l'écoute. Thumma al-fahm, la compréhension. Tu écoutes, thumma la compréhension, c'est important. Il y en a écouté, emmagasiné l'ilm, il faut comprendre. Fal-fahm. Si tu n'as pas compris, tu demandes. Thumma al-hifd. Si tu as compris, c'est avec l'apprentissage par cœur. Hada, ça demande du temps. Celui qui applique hadhihi an-nasiha, wallah, il n'aura pas le temps de qil wa qal sur les réseaux sociaux. Abadan. Al-hifd. L'apprentissage, la mémorisation. Thumma al-amal. Tu as compris, tu as appris. Ta'amal. Amma des copier-coller et al-insan. Lui-même, il khalif ce qu'il dit. Bah, hada, c'est pas min tariqati ahl al-ilm. Abadan. Al-amal, thumma al-nashr. À la fin, la propagation. Al-nashr. Que ça soit de nos jours dans les réseaux sociaux, ou des doros, ou des livres. Ou... C'est ça. Tariqatu salaf. Ba'duhum, ils ont une bonne intention. On ne dit pas que là, ils ont une mauvaise intention. Là, bel. On est convaincu, wallah, que certains ils ont une bonne intention. Lakin, première étape, ils sont passés directement à la fin. An-nashr. C'est pas hakada. C'est pas hakada. Chaque chose a là un chemin. Manhajiyya, tariq, pour arriver. Amma, celui qui veut monter dans une maison directement sur la terrasse sans passer par la porte et monter par les escaliers, hada, il n'y arrivera pas, il se fera du mal. Rubbama yasqut. Et il se fait du mal. والله المستعان فكلام جميل ده عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر ce أثر on essaie de l'apprendre إن شاء الله وقال ابن المبارك أيضا ما من شيء أفضل إلى الله من طلب العلم لله وما شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله C'est min afdhal al-a'mal. Talab al-ilm lillah. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min abghad al-ashya' ila Allah subhanahu wa ta'ala, c'est talab al-ilm li ghayrillah, al-ibada li ghayrillah. Ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk, qala 'azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala déteste le shirk. Il déteste les œuvres qui ne sont pas faites pour lui subhanahu wa ta'ala. Qala ash-shaykh 'Abd as-Salam رحمة الله عليه وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه ألا وهو أن جماعة من السلف قالوا كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة وطلبنا هذا الأمر ليس فيه نية ثم جاءت النية بعد ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله ونحوي هذه العبارات مسألة مهمة أن بعض السلف قالوا هذا comme il a rapporté Cheikh Abd al-Salam. Et on en prend une pour exemple et tout le reste c'est la même chose. كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا الى الاخره. Et au départ, بعض السلف قالوا انهم quand ils sont rentrés في العلم, ils n'avaient pas forcément l'intention لله. لكن avec le temps, c'est venu. On peut se poser la question الان, comment comprendre هذا? Est-ce qu'au départ on peut étudier pour autre qu'Allah et forcément ça va venir? قال الشيخ رحمه الله صلى الله عليه وسلم وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات شرحا مفيدا فقال على قول معمر بن راشد كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. أي الرجل certaines personnes ils étudient au départ avec une mauvaise niya pas pour se rapprocher d'Allah. فَيَأْبَ عَلَيْهِ الْعِلْمِ Et ce ilm, il le poussait à avoir une bonne niya. Avec les connaissances, il avait une bonne niya. Comment comprendre هذا الأثر? قال الإمام الذهبي رحمه الله نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية. أي أن certains au départ à cause de l'ignorance. Ça arrive beaucoup, هذا. واحد, مثلا, il apprend que talab al-ilm, c'est le chemin qui conduit à al-jannah, et il apprend tous les bienfaits. et il est motivé. Et Robama, au départ, il n'est pas prêt, il n'a pas assez de connaissances. Et ça n'y est au départ. Peut-être que c'est pour l'ilm, mais c'est aussi pour travailler. Et c'est aussi kadalik pour le compliment. Ça arrive, il y a beaucoup chez les jeunes, ou les très jeunes, et kadalik chez les débutants. Ça arrive, il y a. لكن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه أي au départ هؤلاء ils savaient pas que l'ikhlas c'était obligatoire في هذا c'était des ignorants قال ولا صدق النية فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجئه النية الصالحة كلها أو بعضها لكن avec le temps et les connaissances l'insan, quand il sait que c'est la condition principale, l'ikhlas, pour talab al-ilm et pour toutes les œuvres, son ilm, il le pousse à corriger sa niya. C'est ça l'explication de ces athar an al-salaf. وَقَدْ يَتُوب مِنْ نِيَتِهِ الْفَاسِدَ وَيَنْدَمْ صحيح, أنه, quand il apprend أنه, il faut être sincère في هذا العلم, لا شك أنه, il va faire tawba, il va regretter. لكن il ne savait pas. Ça arrive à هذا. Un débutant, il ne sait pas certaines choses. Tout le monde, quand il a connaissance, il se corrige. Nous, on se corrige et on sait que c'est wajib, on fait des efforts. Et qu'est-ce qu'ils vont te donner al-bashar? Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Voilà, chez. Voilà aussi, wahad, comme on répète souvent, il te complimente aujourd'hui, demain, rubbama, yata'an fik bi ghayri haqq. Fal-jaza, il est indallah. Amma al-ibad, les satisfaire, c'est très très difficile. Et ce n'est pas notre objectif, nous, aslan. قال وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعوة أو من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه. Ça, ça montre علامة الإخلاص, les signes de la sincérité. Même si au départ la niya n'était pas bonne, avec l'ilm il se corrige. Et le signe, ou les signes qui montrent أن sa niya elle est طيبة, أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة. Le sincère, il n'aime pas se montrer. Il n'aime pas vouloir montrer son ilm et polémiquer et vouloir avoir le dessus. Son ikhlas, il l'éloigne de hada. Ça nous montre celui qui veut à chaque fois se montrer. Bardenas, Rabbama Jalis, et il parle, il veut montrer où il a des connaissances. Hada la yajouz. L'insan, il se remet en question. Bardenas, il veut polémiquer pas pour Nusrat din Allahi Azza wa Jalla, pour se montrer. Anahu, j'ai eu le dessus sur un tel, Anahu, j'ai réussi à le bloquer. Tout ça, c'est une mauvaise niya. Qala, wa min qazdi at-takathur bi'ilmihi wa yuzri, na'am. Wa min qazdi at-takathur bi'ilmihi wa yuzri ala nafsihi, fa in takathur, au qala, ana a'lam min fulan, fa bu'dan lah. هكذا قال الإمام الذهبي رحمه الله أي فإن تكثر أي veut montrer أنه il a beaucoup de connaissances أو قال أنا أعلم من فلان أو il prétend أن j'ai plus de علم que فلان قال الإمام الذهبي رحمه الله فبعدا له أي دعك الله اللي لوان دنو لأنه c'est une mauvaise niya ما يدريك qui sait qui t'a informé أن t'as plus de علم que فلان et même si t'as plus de علم من أخبرك أن السعلم il est accepté عند الله أن tu vas mourir على هذا أن tu vas mettre en pratique. الإنسان يتواضع parmi les صفات الجميلة pour le طالب علم c'est التواضع la modestie. Ne rabaisse jamais ton frère, ne te crois jamais supérieur aux autres. Là ça va très vite. Aujourd'hui t'étudies, demain الله أعلم. Aujourd'hui t'as compris, demain الله أعلم. فالتواضع surtout avec les autres c'est مهم et أهم من ذلك التواضع مع الله être modeste. الله سبحانه وتعالى il te voit, il t'entend. أخي الكريم قال ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه ففكر بأي الأمرين ينالها أبي المال أم الحسب. الحسب أي une منزلة رفيعة. فهذا الرجل الشيخ عبد السلام يغطرت cette histoire pour démontrer أن البعض ربما au départ la niya est mauvaise à cause de l'ignorance, ثم يكورج leur niya avec العلم. Il rapporte cette histoire أن un homme il voulait se marier avec une femme لكن elle avait un rang social plus élevé que lui et هو il n'avait pas ce rang, il n'avait pas d'argent. Et cette femme, elle allait refuser. Enfin, il s'est posé la question, comment je vais faire pour me marier avec elle? Imma, il faut que j'ai de l'argent. Imma, il faut que j'ai un statut. C'est ça le hasad. Enfin, le statut, tu peux l'avoir avec l'argent, tu peux l'avoir avec l'ilm. Matalan Foulan, c'est l'imam, c'est le khatib, c'est le savant de telle ville. Il a un statut. Enfin, où il a pensé? Vu qu'il n'avait pas d'argent, enfin, sa niya au départ, pour se marier, il va faire des efforts. Fait l'ilm. Hatta, il atteint un certain niveau. Et ربما cette femme elle voudra se marier معه. فاختار الحسب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها. Il a fait des efforts pour l'ilm حتى il a atteint un certain niveau. Enfin, cette femme c'est elle qui a envoyé quelqu'un pour lui montrer qu'elle veut se marier معه. فقال لا أثر على العلم شيئا. Sa niya l'a changé. Avec les efforts pour l'ilm, il a atteint ce niveau. Quand cette femme, elle est venue, ou elle a envoyé quelqu'un pour lui montrer qu'elle veut se marier, il a dit là. Il a dit, si je me marie avec elle, c'est comme s'il avait fait les efforts pour l'ilm pour hada. Alors qu'au départ, il avait fait hada. Lakin, sa niya l'a changé avec l'ilm. Nastavid mina hada, même si on a fait des erreurs, même si on a encore des faiblesses dans certaines choses, fais des efforts pour l'ilm et corrige-toi. Tant que tu fais des efforts pour l'ilm et corrige ta niya, tu es à la khair, akhil karim. قال وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية والأعمال الصالحة فدخل في عداد إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما لا شك أن شك مؤمن إلى دل خشية لكن خشية العلماء لي أقوى لي أكبر. قال فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاما بالصدق قصده وسلامة مأربه رحمة الله عليه. Ça montre la bonne niya. أنه il s'est corrigé. Au départ, il savait pas. لكن quand il a étudié l'ilm, il استفاد. المصيبة, c'est celui qui fait des efforts في العلم, mais il se corrige pas. أما au départ, là, chacun, on fait tous des erreurs. Que ce soit dans niya ou autre. لكن avec le temps, l'insan, il apprend, il tire des leçons. قال ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه c'est un شاعر قوي في الشعر il écrivait beaucoup de poésie رحمة الله عليه ومنها c'est quelques vers قال إليكم يرفع المأسور شكوى رجاء المن أو أخذ الفداء فقد غلت مباسمكم يديه إلى الأذقان إلى الأذقان من بعد العلاء وقد أضحى صريعا في هواكم قعيد البيت من حر التنائي نعم هكذا فقعيد البيت من حر التنائي براه الشوق والهجران منكم وأدمى قلبه طول العناء فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطباق السماء وتسمو بالوضيع إلى المعالي وتكسو العري أثواب السناء وتبني للفتى ذكرا مشيدا وتحيي رسمه طول البقاء رياض بالمعارف قد تباهت وفاق جمالها جيد الظباء إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوص الدهاء تحلت بالشيوخ إذ تبدو أنار الكون من شرف الضياء شيوخ بالمعارف قد تغدوا وصيت الحلم في مجري الدماء لهم في العلم صولات وسبق وفي الأفعال جد في خفاء. Parmi les شواهد pour notre درس في الإخلاص وفي الأفعال جد في خفاء أي اجتهاد لكن في خفاء se montre pas. وفيها الطالبون إذا غشوها أثار المسك من حسن البهاء تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء قال فالحذر الحذر أيها الطالب من الشرك في النية فإن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والشركة الحديث كما قال في الحاشية أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas al-amal. Al-amal qui a été fait pour un autre. Même s'il a été fait pour Allah, s'il a été fait pour un autre, ce qu'on appelle al-shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas. Fal-hadar, comme a dit Cheikh Abd Salam, rahimahullah. On fait attention à hada. وقد أجمع العارفون على أن استحكام الهلك إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه وعندئذ تتخطفه الشياطين وتتشعب به المساليك وتكون النار أولى به. صحيح. ça c'est une mصيبة أن الله سبحانه وتعالى يدلس العبد. فالعبد إلى بحاجة إلى ربه دائما في كل لحظة. وتأمل والله سبحانه وتعالى قال تركته والشركة أي جل الدلس بإسم الشركة إساس المصيبة سي الله دلس العبد. On fait attention. الله إلي مع المتقين إلي مع المصلحين إلي مع المحسنين مع المخلصين أما المشركين فلا. قال حماد بن سلمة رحمه الله من طلب الحديث لغير الله مكر به. صحيح. ça devient contre lui. وإن صلاح النية في العلم لا أكبر معين عليه كما قال أبو عبد الله الرذباري العلم موقوف على العمل والعمل موقوف على الإخلاص والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل إصلاح النية نعم سائد الطالب الله سبحانه وتعالى يفسلت الله سبحانه وتعالى يبغل يبطط لماذا لأن السعبد المخلص وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. هذه سين بشرة عظيمة pour طلبة العلم. celui qui a une bonne niya, même si on a du mal في الحفظ, même si on a du mal dans la compréhension, même si tu as du mal à avancer dans certaines choses, أخي الكريم, fais des efforts في الإخلاص. ton but c'est de te rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى. من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. الله سبحانه وتعالى يتفسلتها أي تدنغا. تنبيه يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون التعلم بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا من تصرفات أهل الجهل والهوى كالصوفية وجماعة التبليغ الجهال. يفون أكن إفور في العلم. كثير منهم يغبت سبيرس واتقوا الله ويعلمكم الله. أي quand tu les appelles à faire des efforts في الحفظ وفي الدروس وفي المراجعة كذلك assister aux assises عند أهل العلم أو عند طلبة العلم هؤلاء الجهال يقولون يغسيت سبيرس أو يسيت كم argument سبيرس واتقوا الله ويعلمكم الله. أي أهم شيء تأنتقي t'es un muttaqi, et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera l'ilm. Et ça, c'est min al-jahl. L'ilm, il a des causes, il a des tourques. Les ulama, ils nous ont démontré comment étudier. Amma wahad, il ne fait aucun effort, bel yatakallam bila ilm. Ça, il se fait du mal. Wanzuru ila hal jama'at al-tabliq. Est-ce que tu entends parler de l'un? Ils n'ont plus aucun achat, ils n'en ont jamais eu. Au départ, بعض الناس, ils les ont suivis, les anna. Ils étaient à la djah, mais maintenant, leur situation elle est connue. Hatta al-awam maintenant, ils prêtent aucune attention à haoula. Et des années, annahum voyagent, annahum prétendent faire da'wa. كثير منهم الآن غارقون في البدع والخرافات وبعضهم ربما يطوفون حول القبور dans certains villages. شرك واضح. Pourquoi? لأنهم ils se sont écartés du ilm. لأن هذه التقوى كسيتي واتقوا الله. Parmi التقوى c'est طلب العلم, faire des efforts في العلم. ويعلمكم الله. قال في تفسير المنار نقلا عن شيخه تفسير المنار لمحمد رشيد رضا المنحرف صاحب هذا التفسير سأنيغاري الشيخ مقبل رحمة الله عليه وغيره أرد عليه محمد رشيد رضا الشيخ مقبل له كلام شديد عليه son شيخ كذلك سمشايخ أما هنا ما أدري من المقصود لكن certains مشايخ كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده هؤلاء سدد الله وبعضهم متهم بالماسونية فنعم إلى تفسير المنار طالب العلم السني s'écarte من كتب هؤلاء. فلعل شيخ عبد السلام ولا شك أنه إلا سيتي à son époque ربما ما تبين له حالة وإلا ولله الحمد son cas الآن il est clair. قال اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الجملتين واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى تكون سببا للعلم وبنوا على ذلك أن السلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم. نعم هذا معروف عند الصوفية أنهم يسون dans leur bid'a et leur khurafat leilan wa naharan, ils prétendent an al-ilm il va descendre sur eux comme le wahi iyadan billah wa yurad istidlaluhum bil aya ala dhalik min wajhayn ahaduhuma annahu la yarda bihi sibawayh sibawayh min a'immat al-lugha wa lahu al-haq fi dhalik li anna 'atfa wa yu'allimukum Allah ala taqwa Allah yunafi an yakun juz'an lahu ومرتبا عليه لأن العطف يقتضي المغايرة. الثاني أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا والفرع أصلا والنتيجة مقدمة، فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى بلا علم، فالعلم هو الأصل وعليه المعول. انتهى. نعم فهذا واضح أن parmi les causes pour avoir du علم التقوى ومن التقوى طلب العلم. على كل حال il faut faire des efforts pour avoir du علم. أما هؤلاء الجهال que ce soit الصوفية أو التبليغ فإذا من هذا الانحراف أشد منه. قال الشيخ عبد السلام وهذا كلام جيد ويضاف إليه إيضاحا أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس. أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية، أي نعم celui qui fait des efforts في العلم والعمل ça va augmenter son إيمان et là chaque أنه il va comprendre العلم أكثر. Ça nous montre qu'on a parmi les choses pour avancer fil ilm, délaisser le ma'asi. Délaisser le ma'asi, et taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes à celui qui fait des efforts, fi al-ikhlas, en appliquant et en s'écartant des interdits. Kadhalik, on peut citer al-hadith, alladhi hassanahu al-imam al-albani rahmatullah alayhi, fi sahih al-jami' أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم العلم c'est avec التعلم أي avec les efforts. طالب العلم يتوكل على الله et il fait les أسباب المشروعة et il fait des efforts. واتقوا الله ويعلمكم الله. أما قال شعب عبد السلام أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله ويعلمكم الله فهو جاهل لا تجاريه الرعاة في جهله والله الحافظ. صحيح أن ceux qui se servent de ce verset et ils prennent comme argument ce verset واتقوا الله ويعلمكم الله ils font aucun effort فهؤلاء c'est des جهال. كثير من هؤلاء restent sur leur جهل. لماذا؟ لأنهم ils font aucun effort عيادا بالله. فالعلم لابد من نية كما يلادي الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. كذلك لابد من جلوس إلى أهل العلم. Ça peut être بالرحلة en voyageant en faisant des efforts en prenant des notes en lisant des livres en posant ces questions. كذلك الفهم la compréhension. On ne fait pas l'erreur de certains حفظ فقط. بعض الناس الآن ربما يحفظون القرآن حفظا متقنا لكن لا يفهمون في الحقيقة ils ont pas de علم. لا on fait des efforts et كذلك الفهم et on cherche à comprendre et on demande et la compréhension c'est la compréhension de l'ulama la compréhension des salaf la compréhension des sahaba رضي الله عنهم. الحفظ كذلك on fait pas l'erreur d'autres أنهم la compréhension فقط sans حفظ tu vas comprendre لكن avec le temps t'oublieras. فالعلم c'est le حفظ. Ce qui reste من العلم c'est l'apprentissage par cœur. فالعناية بهذا ثم العمل. On fait des efforts في العمل et l'application. ثم النشر كذلك الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ولله الحمد. On a fini le premier obstacle et la mauvaise intention, et le prochain درس le deuxième obstacle, ترك العمل. والله المستعان. نكتفي بهذا والحمد لله.